Quasiment pas là. Et là, je suis monté à fond, là. J'ai déjà monté ton niveau. Je vais monter, tu vas Voilà. monter. La batterie, bah, t'as baissé ton niveau de basse. Hein. Tu me dis si le niveau est bien pour la batterie. Je vais l'envoyer sur la deuxième prise. Je m'entends hyper fort. Donc, ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. T'as pas écouté. Il faut que tu règles d'abord ton niveau à toi avec le master. Si tu t'entends trop fort, c'est que ton master est trop haut. Donc, règle d'abord ta basse. Règle pas ta voix d'abord. Règle d'abord ta basse avec ton instrument. Donc. Et tu règles avec ton master. Voilà. Moi je t'entends mieux là déjà. Et toi il faut pas que tu t'entendes trop fort. Si tu t'entends trop fort, tu descends le master. Voilà. Là c'est bon. Après tu règles c'est ton bon niveau de moi. Micro localement. Comme ça tu seras pas. Bon, le niveau est bien pour moi. T'entends la batterie? Ouais, t'entends la batterie là? Ok, d'accord. Bon, là je l'entends. Tu peux couper bien, le métronome du coup, hein? Ouais, dis-moi, bah tu m'as dit. Ouais, être un petit peu plus fort peut-être. Attends, je vais le mettre sur la. Je vais la mettre sur la deuxième piste, comme ça tu pourras la régler comme tu veux en fait. Hein. Tu peux la régler comme tu veux à droite. Hein.